page blanche à barbouiller, où s'écriraient tous les langages, d'où viendrait ce noyer des vers. Je voudrais être un livre ouvert à tous les rêveurs solitaires. Je voudrais être te lire ce qu'il y a dans mes pensées.